Fall Out Boy sur RGM, 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 5 juin 1962, naissance d'Astrid de Belgique, princesse royale belge, sœur de l'actuel roi Philippe. 1965, naissance d'Elisabeth Buffet, humoriste et actrice française, vue dans Nos plus belles vacances dans le rôle de Germaine Dufour. 1967, naissance de Ron Livingston, acteur américain, vu dans la série télé Frères d'âmes dans le rôle du capitaine Lewis Nixon dans Boardwalk Empire dans le rôle de Roy Phillips, ou encore Jacques Sex and the City, ou encore Dr House. 1971, naissance de Mark Wahlberg, acteur américain, vu dans Les Truands, La planète des singes dans le rôle du capitaine Leo Davidson, Braquage à l'italienne dans le rôle de Charlie Crocker, Quatre frères, Invincible, Les infiltrés dans le rôle du sergent Sean Dinham, Shooter tireur d'élite dans le rôle de Bob Lee Swagger, Very Bad Cops, Ted 1 et 2 dans le rôle de John Bennett, Transformers L'âge d'extinction et Transformers The Last Night dans le rôle de Cade Wigger, Very Bad Dads 1 et 2 dans le rôle de Dusty Meron, producteur exécutif des saisons 1 à 8 de la série Entourage, le producteur exécutif des saisons 1 à 3 de Boardwalk Empire et producteur exécutif de la saison 1 de Shooter. 1977, naissance de Navi Rawat, actrice américaine connue pour son rôle de Teresa dans Newport Beach, celui d'Amita Ramanujan dans Numbers, vu également dans 24 heures chrono, Angel, Castle et Grey's Anatomy. 1979, naissance de Pete Wentz, bassiste du groupe américain Fall Out Boy, que l'on a pu voir également dans Les Frères Scott ou encore Californication. 1981, naissance de Sébastien Lefebvre, guitariste du groupe québécois Simple Plan. 1984, naissance de Cécilia Cara, chanteuse et actrice française, découverte dans la comédie musicale Roméo et Juliette dans le rôle de Juliette, vue dans Joséphine, Ange Gardien, Nina ou encore Camping Paradis. 1995, naissance de Troy Sivan, acteur australien connu pour son rôle de Logan Wolverine enfant dans X-Men Origins Wolverine. En 2003, naissance d'Aurélie Godet, wakeboardeuse française, vice-championne du monde en 2016. En 1316, décédé Louis X, roi de Navarre et roi de France de 1314 à 1316, 12e de la dynastie dite des Capétiens directs. En 2002, décédé Didi Ramon, bassiste du groupe Punk Rock The Ramones de 1974 à 1989. Et on écoute tout de suite un extrait d'un de leurs titres qui s'intitule « Baby, I love you ». Voilà pour l'extrait des Ravens. On continue en 2004, décédé Ronald Reagan, qui fut 40e président des États-Unis d'Amérique du 20 janvier 81 au 20 janvier 89. Et en 2015, décédé Colette Marchand, actrice française, connue notamment pour le titre de Marie Charlet dans le film Moulin Rouge. Allez, pause musicale avec le groupe Simple Plan, leur titre en français, Jetlag, en duo avec la chanteuse Marie-Mé. Quelle heure est-il où tu es? Un autre avion et tu repars. Je me sens si loin si tu savais. Et j'attends ton retour encore. C'est comme si on vivait à l'envers. J'aimerais te dire qu'on pourra s'y faire. Trying to figure out the time zones making me crazy. You say sur les airs, j'envers le sommeil. The mind, heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. It's so jet lagged. Quand tu n'es pas là, dans une semaine je reviendrai. Je perds mon souffle quand tu t'en vas. Je m'imagine à tes côtés. Et même si j'essaie de l'ignorer, tu es toujours là dans mes pensées. Trying to figure out the time zones making me crazy. You say good morning when it's midnight, going out of my head. The mind, heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. So jet lagged. Je suis perdu sans toi. Je t'attends encore. Je suis perdu sans toi. Mais rentre, il est tard. Je suis perdu sans toi. Et je veux vivre ton or. Je suis perdu sans toi. Et qu'on n'en sorte plus. Je suis perdu sans toi. Until the hour hands back to when you were home. Good morning when it's midnight. Going out of my head alone and missing. Quand je m'endors, tu te réveilles. To listen, I miss when you say good morning. But it's midnight, going out of my head. Alone in this bed, cause you're all gone. Cause you're all gone. To the day, is it going to listen? So bad the sun red. My heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. Simple Plan sur le 107FM, il est presque 8h44 et il est temps pour nous eh bien, de faire un point sur la météo. La météo. Alors, pour l'instant, on a quelques éclaircies, mais ça va vite se charger en nuages et encore même en orages. Des températures comprises entre 17 et 18 degrés ce matin, entre 23 et 25 degrés cet après-midi. Pour demain, ce sera une journée orageuse. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 22 et 24 degrés l'après-midi. Et pour jeudi, de la pluie. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévues pour jeudi après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler football avec à quelques jours du début de la Coupe du Monde. La France a battu la semaine dernière l'Italie 3 buts à 1. Hier, Didier Deschamps a confirmé sa liste des 23 pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas de blessés et tout le monde a répondu apparemment à ses attentes. Donc voilà, les 23 sont confirmés. Dernier match de préparation, ça arrive dans quelques jours pour l'équipe de France qui va affronter les États-Unis. Allez, on fait un point basket maintenant avec la finale des playoffs de NBA et les Golden State Warriors qui mènent cette finale 2-0 face à Cleveland. Le match numéro 3 aura lieu demain. En hockey sur glace, finale des playoffs de NHL et Washington qui mène cette finale 3-1 face à l'équipe de Las Vegas de Pierre-Édouard Belmar, et Washington qui peut d'ores et déjà remporter cette finale avec le match numéro 5 qui aura lieu jeudi. Un mot de rugby avec la finale du top 14 où Castres a battu Montpellier. Au mondial U20, deuxième victoire pour l'équipe de France qui a battu la Géorgie 24-12. Un mot de canoë-kayak avec la dernière compétition de Gauthier Clos et Mathieu Péché, les championnats d'Europe où ils ont malheureusement terminé à la quatrième place. Ils l'avaient dit, ils l'ont fait. À la fin, ils ont coupé leur canoë-kayak en deux. Et allez, page tennis maintenant avec Roland Garros, et il n'y a plus de Français dans le tournoi masculin. Pas de Français en huitième de finale, c'est la première fois depuis 2007. Dimanche, la surprise nous est venue de l'Italien Cecchinato qui a battu David Goffin. Hier, Rafael Nadal a battu Marterer 6-3, 6-2, 7-6. Cilic a battu Fonini en 5-7. Schwartzman a battu Anderson en 5-7. Et Del Potro a battu Isner en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Aujourd'hui, Dominic Thiem affrontera Alexander Zverev. Gros match en vue. Et Cecchinato, lui, affrontera Novak Djokovic. Côté féminin, a noté l'élimination hier de Caroline Garcia. Il n'y a donc plus de Françaises en compétition à Roland-Garros, en tout cas en simple. On parlera des doubles tout à l'heure. A noté également hier le forfait de Serena Williams, blessée au pectoraux. Elle qui devait affronter Maria Sharapova dans un gros match que tout le monde attendait. Eh bien, malheureusement, l'Américaine a dû déclarer forfait. Et a noté l'abandon également de Tsurenkov. Elle affrontait Muguruza. Le match avait à peine démarré. Et voilà, Tsurenko a malheureusement dû abandonner. Et hier, Kazankina a battu la tête de série numéro 2, Wozniacki, en 2-7. Et Alep s'est qualifié 6-2, 6-1 face à Mertens. Aujourd'hui, Stephen s'affrontera Gazatkina et Putintseva affrontera Keys. Et côté double, messieurs, à noter que Pierre Gerbert et Nicolas Mahut se sont qualifiés pour les quarts de finale. Et côté double féminin, Kristina Mladenovic qui joue en duo avec Babos, eh bien, elles se sont qualifiées également pour la suite du tournoi. Et Joe Wilfried Tsonga, hein, qui ne participe pas à Roland-Garros, hein, comme vous le savez, eh bien, il ne participera pas non plus au Grand Chelem de Wimbledon. Hein. Il n'est pas assez remis de sa blessure au genou. Il doit donc déclarer forfait. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Cecilia Cara, qui a fait de nombreux duos dans sa carrière, notamment un avec Florent Pagny. Ça s'intitulait « L'air du temps » et on écoute ça tout de suite. Belle nuit, te rendre mon amour passé ou dépassé. C'est ce qu'on en croit, c'est ce qu'on dit. Yeah.